Les buveurs d'océan par H.J. Magog. Chapitre 1er. De refus à une seule demande. Si je comprends bien, c'est une demande de mariage que vous m'adressez. Exactement, monsieur le marquis. J'ai l'honneur de solliciter la main de mademoiselle Suzanne de Glandève, votre fille. Mille regrets, cher monsieur, mais ma fille est vouée au blanc. Ces mots, dont le lecteur va comprendre l'ironie, tombait des lèvres hautaines d'un gentilhomme grisonnant et dédaigneux sur un petit homme jaune, aux yeux bridés derrière les cercles d'écailles de ses lunettes. Il les accueillit avec une impassibilité toute japonaise. « C'est une allusion à ma couleur ? » demanda-t-il tranquillement. « Excusez ce mauvais jeu de mots, qui d'ailleurs exprime à merveille le caractère définitif de ma résolution. J'ai voulu dire que ma fille n'épousera qu'un Européen. » Une flamme jaillit des yeux du petit japonais. « Vous repoussez ma demande ? » s'exclama-t-il. « Je m'étonne que ma nationalité soit considérée par vous comme un obstacle. Je suis un candidat fort acceptable. »« Vous avez eu l'amabilité de me l'exposer avec une clarté d'homme d'affaires, ce qui ne saurait offusquer un citoyen de San Francisco. Fût-il français et marquis, mais si brillant que soit votre avenir, si confortable que s'avère votre situation présente, je ne dois en cette circonstance consulter que le cœur de ma fille. Consultez-le donc. C'est déjà fait. » Il a répondu décemment votre demande. Vous ne pourriez être, cher monsieur Kasuga, qu'un mariage de raison, et ma fille a ce genre d'union en horreur. Son père, cependant, n'eut point jadis la même aversion. Mademoiselle de Glandève ignore-t-elle quelle est la petite fille du milliardaire James Sandy, qui eut fantaisie de s'offrir pour gendre un marquis? J'imagine qu'en épousant Miss Mabel Sandy. Ici, le marquis Archibald de Glandève interrompit avec humour l'impertinent prétendant. « Vous vous trompez, jeune homme, j'ai fait un mariage d'amour, » coupa-t-il froidement. Lourdement, le japonais voulut insister. « Vous avez épousé 7 millions de dollars. J'avais pour eux une réelle inclination et nul ne s'en est étonné. » Tant de flegme ne démenta point Kasuga. Toutefois, il comprit l'inutilité de son insistance. « C'est bien, » répliqua-t-il. « Devant ce parti pris, je renonce à la démarche, de pure forme d'ailleurs, que les convenances me dictaient. » « Il est sage de renoncer, » observa sarcastiquement le marquis. « À obtenir votre consentement, » riposta Kasuga, « mais point à l'espoir d'épouser mademoiselle de Glandève. Je compte m'y prendre autrement, voilà tout. » Son accent exprimait une volonté fortement enracinée. « À votre aise, » ricana le marquis de Glandève, dont les sourcils se fronçaient. L'imperceptible menace contenue dans la phrase de l'homme jaune n'avait en effet pu lui échapper. Il ajouta sur le même ton de défi, « Je dois vous avertir que vous perdrez votre temps, même si, ce que je ne veux point supposer, vos procédés devaient différer de ceux qu'il est licite d'employer quand on se prétend un gentleman. » Sans répondre, le japonais se dirigea vers la porte du salon. « Monsieur le marquis, je vous salue, » dit-il en s'inclinant. « Moi de même, docteur Kasuga. » À cause des dernières paroles, plutôt agressives, qu'il venait d'échanger, le marquis ne jugea pas à propos d'accompagner son visiteur. Il le laissa traverser toute l'étendue du salon et disparaître dans le vestibule, où l'attendait un grand laquais galonné. Quand la portière fut retombée sur la sortie du petit jaune, M. de Glandève se dirigea vers une porte opposée, l'ouvrit et appela « Ma belle, Susanna !» Deux femmes se précipitèrent au devant du marquis. La première était une jeune fille d'une vingtaine d'années, grande et souple, avec des cheveux châtains, des yeux bruns, doux et vifs, et des traits aristocratiques qu'elle tenait visiblement de son père. En elle se retrouvait à la fois l'allure décidée de l'américaine et le charme spirituel de la française. La seconde, encore belle, malgré ses cheveux givrés et un commencement d'embonpoint, était la marquise de Glandève, née Mabel Sandy. « Eh bien ?» demandèrent ensemble la mère et la fille. « Liquidée !» répondit le marquis en pouffant de rire. « J'ai décliné pour Susanna l'honneur de devenir japonaise. » L'audace de cet homme est réellement terrifiante. Soupira la marquise. « Un peu d'indulgence, mère, » intervint la jeune fille. « Ce monsieur Kasuga ne pouvait savoir que j'étais déjà fiancée à un compatriote de mon père. »« Et de toi, s'il te plaît ?» rectifia Archibald. « Tu as beau être né à San Francisco et y habiter, la France te réclame. »« Eh bien, j'irai y faire mon voyage de noces et Jean me présentera à elle, » répondit la jeune fille en se jetant câlinement au cou de son père. « En attendant, nous pourrions aller conter l'incident à votre grand-père, » proposa la marquise. M. de Glandève s'étendit nonchalamment dans un fauteuil. C'est tout à fait inutile, ma chère amie, assura-t-il. Soyez persuadée qu'il en est déjà informé. La police de Mr. James Handy est admirablement faite dans notre maison, qui est aussi la sienne. Le marquis ne se trompait pas. Son beau-père connaissait la démarche du docteur Kasuga, mais c'était de la bouche même de l'intéressé qu'il l'avait apprise. En effet, au sortir du salon, le japonais avait arrêté d'un geste le grand laquais du vestibule qui s'apprêtait à lui restituer son chapeau et sa canne. « Mr. James Handy est-il visible ?» demanda-t-il. Le laquais s'approcha aussitôt d'un appareil téléphonique. « Je vais le demander, monsieur, » répondit-il. Il échangea avec un invisible interlocuteur des syllabes incompréhensibles et interrogea le japonais sans lâcher le récepteur. « Monsieur veut-il me dire le motif de la visite ?»« Affaire, » répondit laconiquement Kasuga. « Affaire, » répéta le laquais dans le téléphone. L'instant d'après, le visiteur était introduit dans le cabinet de James Handy, dont le faciès glabre, le front jauni, planté de cheveux blancs et drus, et les yeux perçants reflétaient l'orgueil incommensurable et dominateur de représenter une des plus formidables fortunes de San Francisco. En face de ce roi de l'or, il ne vint pas à la pensée du docteur Kasuga de renouveler les salamalek et d'employer les circonlocutions qui lui avaient servi d'entrée en matière lors de sa visite au marquis de Glandève. Avec une souplesse toute japonaise, il savait s'adapter aux hommes aussi bien qu'aux situations. Entre le businessman et l'amoureux de Suzanne de Glandève, la conversation s'engagea donc presque monosyllabique. « Mr. James Handy ?»« Yes. »« Docteur Kasuga ?»« Quelle affaire ?»« Mariage. »« Non-sens, je ne fais pas. Il s'agit de votre petite fille. »« Inutile, bonjour. »« Permettez, je vous... »« Pas un cent pour qui n'est pas amateur. »« Et Susanna ne songe nullement à vous épouser. » »« Vous pourrez y songer pour elle lorsque vous saurez. »« Dites vite, time is money. »« Je ne vous parlerai pas de dollars. »« Je vaux plus que le plus gros chiffre que vous pourriez fixer. » Et je représente aussi, je serai demain le plus noble du Japon, s'il plaît à vous, à mademoiselle Susanna, que je me pars d'un titre. Et pour vos affaires, je disposerai d'une influence mondiale. Il me sera possible de vous ouvrir toute l'étendue du territoire japonais. Fini? Demandez-moi des détails, des chiffres. No, bonjour. Vous n'avez pas compris. Je ne bluffe pas. Je vaux réellement tout cela. Je vous le prouverai. Restez calme. Cela vaut zéro pour moi. Je ne vends pas ma petite fille. Je n'ai pas seulement parlé de ma fortune. Je serai ce que ma fiancée voudra que je sois. Toutes les ambitions me sont permises. Tout cela serait indifférent à Susanna. Le japonais semblait littéralement stupéfait. Mais pourquoi ? S'exclama-t-il. Ma proposition est à prendre en considération. Vous ne savez pas qui je suis, James Handy. Mais vous n'êtes pas un homme futile comme votre gendre. Vous savez examiner une affaire avant de la rejeter. Examinez-moi. Réellement impossible, riposta froidement le milliardaire. Adressez-vous à Susanna. Son père refuse de m'entendre. Comment la verrai-je? En ce cas, renoncez. Le docteur Kasuga laissa échapper un mouvement d'impatience. Quelque chose comme un éclair de menace passa dans ses yeux. Prenez garde, gronda-t-il. Aujourd'hui, James Handy, je vous en avertis. Vous n'avez pas votre clairvoyance habituelle. Vous ne savez ni comprendre ni deviner. Je suis une force. Et le Japon tient sa place dans le monde. Le Yankee ricana avec un évident dédain. N'exagérez pas. Le Japon est petit, absurdement petit. C'est inexact. En tout cas, il grandira plus que vous ne pensez. Je sais ce que je dis. Je vois bien que je vous impatiente. Mais il faut que je m'explique pour que plus tard vous vous rappeliez mes paroles et que vous regrettiez de n'avoir pas mieux compris. Vous me dédaignez. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de ma race. Nous vivons en l'an 2050, au XXIe siècle, et la civilisation a fait que tous les peuples s'équivalent. D'accord, concéda flegmatiquement l'Américain. Le docteur Kasuga avait pris involontairement une pose de conférencier. Debout et les mains appuyées sur le dossier d'un fauteuil, il poursuivit avec une certaine emphase qui trahissait un immense orgueil. Il n'y a plus, à l'époque actuelle, ces centaines de petites puissances que trois ou quatre nations prétendaient asservir, exploiter et dévorer. Aujourd'hui, il y a cinq républiques, la Confédération européenne, les États-Unis d'Amérique, les républiques africaines, océaniennes et asiatiques. Voilà la carte du monde. C'est exact. La République asiatique, c'est le Japon. Il possède et il actionne, en les foyant, les nonchalances chinoises, mandchoues, mongoles, tonkinoises, indochinoises, siamoises et hindoues. Les provinces de l'ancienne Sibérie au littoral indo-chinois, de l'antique Turquie à la mer du Japon, nous avons tout transformé, tout rénové. Le bloc énorme a pris force et vigueur, et c'est Tokyo qui est son cerveau. Jim Sandy écoutait en hochant la tête ce cours de géographie politique. Il objecta gravement. C'est le danger. Le cerveau de l'homme se trouve dans sa tête, à l'extrémité du cou, ce qui permet d'anéantir l'homme avec facilité, en le décapitant. Pour éviter ce destin, et s'assurer plus de durée, une grande nation ne doit pas avoir son cerveau en dehors d'elle. Il doit être placé au centre et protégé par la masse. Pourtant, Paris dirige l'Europe, dont il n'est point le centre géographique. Paris est Paris, mais la capitale de l'Océanie est en Australie. Celle de l'Afrique au cœur du Soudan, et celle de l'Amérique, c'est Panama, trait d'union entre le nord et le sud. Et ces capitales sont réellement devenues le lieu de réunion ouvert aux délégués de tous les États confédérés. Entre tous les citoyens des anciennes républiques, il y a eu réellement alliance. Mais vous, Japonais, vous êtes restés les maîtres et les bourreaux. Vous dirigez du dehors et vous allez tyranniser vos victimes dans leur propre ville. Chez elles, vous êtes chez vous. Mais Chinois, Turcs ou Hindous ne peuvent fouler le sol japonais, sinon comme esclaves et sans espoir de retour. À cause de cela, ils vous menacent, parce qu'ils souhaitent se séparer de vous. Un jour, vous cesserez de régner sur eux, parce que vous avez refusé de vous fondre avec eux en un bloc commun. Mais ce n'est point là le seul péril que vous puissiez envisager. Vous vous êtes isolé du monde. Le monde est un ingrat. Nous avons ouvert l'Asie au commerce international. Mais vous avez fermé le Japon. En partie seulement. Kyushu, Sikok et Nippon accueillent avec joie les visites de nos amis étrangers. Mais Yezo, l'île mystérieuse, qui fait-on? Pourquoi nul Européen, nul Africain, nul Américain, nul Océanien n'en peuvent-ils approcher? Pourquoi nous en tenez-vous éloignés, ainsi que de l'extrémité nord de l'île Nippon? Pourquoi cette triple barrière de forts, de cuirassés et de torpilles, l'isolant du monde et en interdisant les parages au commerce comme à la curiosité des autres républiques? C'est un défi à l'humanité, cela. Quelque jour, il sera relevé. Vous n'ignorez pas les bruits qui circulent à ce sujet. Kasuga sourit bizarrement. « Bientôt d'autres circuleront, qui vous surprendront davantage, » répliqua-t-il. « Ne vous y trompez pas, le Japon bientôt prouvera sa force et vous-même, enfin convaincu, vous l'admirerez. Je voudrais vous en dire davantage. » Mais le sujet avait déjà cessé de passionner le flegmatique Yankee. « Inutile !» coupa-t-il d'un geste sec. « J'ai trop parlé. Et à quoi bon? Il y a nos affaires et vos affaires, je pense aux miennes, rien qu'aux miennes. » « Parlons-en donc, » reprit l'obstiné japonais. « Je suis épris de votre petite fille, Jim Sandy, et pour qu'elle devienne ma femme, je suis capable de bouleverser le monde. » Un sourire railleur effleura les lèvres du grand-père de Susanna de Glandève. « Cela ne suffirait pas, » dit-il. « Peut-être est-il plus difficile d'émouvoir un petit cœur que de faire trembler le globe terrestre. Je vous l'ai déclaré de suite et je vous le répète, Susanna ne sera pas votre femme. » Quoi qu'il arrive, quoi que je devienne, c'est votre dernier mot. Le dernier, goodbye, sir. Je vous ferai changer d'avis. Non. Alors je réussirai malgré vous. Non. Si. Le japonais s'était dressé, mais à cause de sa petite taille, sa tête dépassait à peine le niveau de celle de Jim Sandy, demeurait assis. Une volonté farouche, implacable, se lisait sur son visage. Mais elle ne surpassait pas en opiniâtreté l'entêtement qu'exprimaient les traits de l'Américain. L'assurance avec laquelle Jim Sandy continuait à hocher négativement la tête indiquait que si la question en litige devait quelque jour amener une lutte entre eux, cette lutte serait féroce et sans merci. L'un d'eux pourrait être écrasé, mais aucun ne céderait. Sous le poing du vieillard, un timbre résonna. Un domestique nègre apparut. Kasuga comprit le congé brutal et l'outrage fit jaillir de ses yeux un éclair de fureur. « Au revoir » gronda-t-il en sortant. Et tranquillement, mais fermement, Jim Sandy riposta en français pour bien marquer qu'il acceptait le défi. « Au revoir !»